1. A. Il est sûr. B. Il est sourd. 2. A. Prenez cette roue. B. Prenez cette rue. 3. A. Il dit tout. B. Il dit tu. 4. A. C'est un lit. B. C'est un loup. 5. A. Tu vas bien? B. Tout va bien? 6. A. Ma rue est belle. B. Marie est belle.